Richard. Est-ce que vous aimez le rock and roll?

maintenant, on va faire la part belle à notre DJ, le fabricant. Amis Clubbers, c'est à vous de jouer. Messieurs DJ le fabricant, pour ceux qui viennent d'arriver depuis leur pause cigarette, c'est Micro Machine. Mes chers amis, nous sommes arrivés à la fin de ce pestacle. Et on va finir en beauté avec un morceau qui s'appelle War Pigs. 1, 2, 3, 4. Generals gathered in their masses. Like witches at black masses, evil minds that plot destruction, sorcerer. Attention, chorégraphie, chorégraphie super dangereuse. Generals gathered in their masses, just like witches at black masses, evil minds that plot destruction. In the fields of bodies burning, coca qui écoute la musique classique. Ce mélange pour ça qui semble un peu modifique. Le new metal t'a fait des débiles mentales. Ils viniront tous un jour à l'hôpital. Faut pas que t'oublies quelque chose de fondamental. C'est que les frangines préfèrent tout Michael Jackson. Non, non, non, non, non, non. Et c'est que les rock écoutent encore Pierre Polja. Polja, on peut prendre un kick-off si ça tombe, il flingue. Il faudrait vider la salle à l'académie pour vivre loger un millier sans abri. Si à l'école j'aurais été bon à maths, comment veux-tu que j'aimerais Black Sabbath? Sabbath, Sabbath, Sabbath, Sabbath, Sabbath, Sabbath, Sabbath, Sabbath, Sabbath, Sabbath, Sabbath, Sabbath. Merci, bonsoir, c'était Micro Machine. Merci. Aux machines, monsieur Ivan Cibulski, appelé aussi Dark Fader. Ok, Fat Burner, à l'autre côté de la machine obscure. Au platine, monsieur Hervé. Yeah, le fabricant DJ Maker, faites des bruits. DJ, le fabricant. Faites des bruits pour ce putain de DJ. Merci à Lolo, là-bas derrière au fond. Lolo, au son. Yeah, respect, c'était encore plus fort qu'avant-hier. Et joyeux Noël, bande de nazes! Salut les moches! Il est moche, il est moche, il est moche, il est moche, il est moche!

crowd.